news. Breaking signs at the cases. Out of this one, the real one, because she's got sugar on the inside. Honey's so sweet, the money can't buy. She's got sugar on the inside. Love is so deep, it never runs dry. She's got sugar on the inside. Honey's so sweet, the money can't buy. She's got sugar on the inside. Love is so deep, it never runs dry. She's got sugar on the inside. Wow, une nouvelle entrée de Mastercraft, So Deep, de l'album Fist of God. C'est la 18e position anglophone, ça c'est tout nouveau, Mastercraft So Deep, wow! Avant, on a entendu la 18e francophone et Fatal Picard, et c'est l'histoire d'une meuf, ça vient de l'album Le Sens de la Gravité, et ça c'était la dernière nouvelle entrée du côté francophone. Donc ça, ça veut dire qu'on va sauter par-dessus quelques petites affaires à un moment donné en francophone, mais avant ça, on va se taper plusieurs nouveautés du côté anglophone, dos à dos, comme on appelle dans le domaine, back to back, hein, parce qu'on aime ça. Nous autres, écouter de la musique rapidement, en succession, succédanée, ça se tient pas du tout. On vient avec Gregory Pepper and His Problems. Voici I Was a John. Vous êtes au palmarès assez fou au 89.1. I was psychotic and murky. Au retour, Sunset Rub Down, Standing Waltz et Chinatown au palmarès. C'est fou! Vous écoutez, c'est fou! 89.1 Numéro 15. Oh! Sunset Rubdown et Idiot Heart en 15e position anglophone de l'album Dragon Slayer. C'est la dernière nouvelle entrée de cette semaine. On vient de passer quoi un bon 40 minutes à entendre des nouveautés, que de nouvelles choses à se partager, à découvrir et à apprécier avec le temps. Ça va commencer à monter, vous allez voir tout ça. Ça va être beau à voir. Avant de continuer avec les 14e places, je me rends compte que finalement, ça me tente d'entendre Jonathan en 15e position francophone, même si c'est pas nouveau. Ça monte de la 20e place, c'était nouveau la semaine dernière. Donc voici Penelope. Vous êtes dans les palmarès. C'est fou au 89.1 FM et tantôt, restez là parce que nos 14e seront Jonathan, oui. L'éphémère d'Alexandre Desilets. Et ce sera quoi? Nous? Stanley Walls. N'importe quoi. Je vous laisse suivre à la maison, seul. Pour toi, mon amour, une longue vie. Jamais d'ennui, plus jamais d'ennui, plus jamais d'ennui. Car pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Oui, pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Laisse tout tomber pour nous, mon amour. J'ai pris deux billets pour Buenos, pour Buenos, pour Buenos Aires, pour Buenos Aires. Car pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Oui, pour toi, Pénélope, je ferai de la pop. Chinatown et Penelope dans les palmarès, c'est fou, très bon, ça en 15e position francophone, ça monte de la 20e place, c'était nouveau la semaine dernière. Maintenant, on est de retour dans l'ordre, donc les choses vont continuer telles quelles sans qu'on sorte de pièces, parce que j'avoue que ça devient difficile à suivre quand on sort des pièces une fois de temps en temps. Mais bon, on est rendu au 14e place, donc du côté anglophone, on va entendre Standing Waltz et In My Nightmare qui montent de 2 places. Mais avant ça, voici Alexandre Desilets et l'éphémère. Vous êtes au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir, et ça, c'est au 89.1 FM. Misérable. numéro 14. Standing Waltz et In My Nightmare, troisième semaine de présence dans le palmarès anglophone, ça a monté de la 16e à la 14e place. Avant ça, on a entendu en 14e francophone l'éphémère d'Alexandre Desilets. Ça, c'était nouveau la semaine dernière et c'était en 19e place. Ça a monté donc. Ça monte tranquillement pas vite pour cette très bonne pièce d'Alexandre Desilets que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on a reçu Alexandre Desilets en entrevue récemment. C'est fou, l'entrevue est sur le site de C'est fou, au cestfou.ca. Donc allez-y maintenant, je vais vous attendre. On est rendu au 13e position du côté anglophone. C'est Snoo avec Kick Me Over qui monte de 2. Mais avant ça, voici Bernard Adamus qui monte de la 18e place. Voici la question à 100$. Et en même temps, ben, je vous rappelle que les palmarès C'est fou sont sur Internet, eux aussi. Mais pas juste C'est fou, t'sais, les palmarès en tant que tels. Là, propre site web, assemblagerequis.com. Allez-y. Mais pas allez-y maintenant, mais écoutez la musique pareil. Vous pouvez faire deux choses en même temps, vous êtes capable. Multitask, 2009, comment? Tout le monde fait ça. C'est bien tranquille, là, il se mène à soi. Du clos, la tienne, du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, t'es fouéré des sauts, fond sac comme des vieilles sacoches. Du clos, dans ma bien pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Du clos, d'appoigne le téléphone, puis elle appelle son homme. Elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, j'suis cassé, ben raide. Cherche tout bas du côté, du pouce qui est un peu de blé. Je suis

Et Kick Me Over en 13e position anglophone, ça monte de 2 places, 3e semaine de présence. Et avant ça, du côté francophone, on avait entendu Bernard Adamus et la question à 100$ qui monte de 5. C'est la fin de la première heure, la deuxième s'en vient avec entre autres la musique de La Pâte à Rose, Damien Robitaille, Mercy Playground, Valleys et Kill the Lights. Restez là! C'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 2 au 8 octobre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Pour ceux qui écoutent régulièrement l'émission, vous avez peut-être remarqué que Kiwan n'est pas avec moi ce soir. Non, c'est la première de ses matchs de ballon-ballet. Donc, c'est pour ça qu'il me lâche. Hein? Non, sans blague, je t'adore, Kiwan. Pas tant que ça, mais pas à cet extrême-là, mais bon, je t'aime bien. T'es une bonne personne, c'est ce que je voulais dire. Bref, ballon-ballet, tant mieux. Dans la deuxième heure des Palmarès, c'est fou, il va y avoir plein de bonnes musiques. Ça va être super le fun à entendre. Il va y avoir, entre autres, la musique de Mercy Playground, Roro Mokto Diamond, Kill the Lights, Mimi Van Der Glo, Asso, Damien Robitaille. On va commencer ça avec les 11e, avec, est-ce qu'on est rendu au 12e position, anglophone, pour commencer. Valleys avec Killer Legs. On va devoir sauter par-dessus Elephantine, malheureusement, mais j'imagine que d'ici la fin de l'émission, si je me la ferme un jour et j'arrête de parler, là, ben, on va pouvoir repasser les pièces qu'on a sautées. Donc, tout de suite, voici Valleys et Killer Legs. Vous êtes au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Ça fait, je pense, 4 semaines qu'on est sur le format top 20 des deux bars, puis je suis encore mêlé dans les chiffres. La pièce Killer Legs de Valleys est en 12e position anglophone. Ça monte d'une place. Avant ça, on a sauté par-dessus Elephantine, une clope, un café qui descend de la 4e et qui est là depuis 7 semaines. Ça fait son temps, cette pièce d'Elephantine, mais sûrement d'autres de l'album vont se retrouver sur les palmarès un jour. Et peut-être qu'on aura le temps d'entendre Elephantine d'ici la fin de l'émission, mais sinon, ça joue pas mal assez fou pareil. Donc, bon, on est sauté par-dessus quelque chose si on veut rentrer dans le temps à un moment donné. Hein. On est rendu aux 11e position avant Marcy Playground et Blackbird. Voici La Pâte est rose et La Marelle. C'est l'ancien numéro 1, donc on a un nouveau numéro 1 cette semaine. Mais qu'est-ce que c'est? Restez avec nous jusqu'à 20h pour le savoir au palmarès. C'est fou! Just as soon as the skies Blackbird Marcy Playground en 11e position anglophone, ça monte de 8 places. C'était nouveau la semaine passée, c'est l'album Leaving Wonderland in a Fit of Rage. C'était bon, évidemment, comme tout le palmarès, parce que c'est un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, n'est-ce pas, accrocheur comme slogan. Avant d'entendre La Patte à Rose, très très bon ça aussi, mais c'est l'ancien numéro 1, on s'est descendu de 10 places, c'est malheureux, la pièce s'appelle La Marelle. Peut-être que ça va monter, peut-être que ça va descendre et qu'une autre pièce de La Patte à Rose va remplacer celle-là. Quand sais-je? Pas moi qui décide ici, hein? C'est les animateurs de C'est fou en général. Ce sont ces merveilleuses personnes, ces merveilleuses gens, comme certains diraient, qui décident de ce qui monte et qui descend. En 10e position anglophone, on trouve Kill the Lights avec At the Ruins, ça monte de 2, mais avant ça, voici Demi Orbitaille. Quel homme autonome, c'est le nom de la pièce. C'est pas mal ça, c'est l'homme autonome. Le Demi Orbitaille au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Seul au monde sans assistance, un enfant qui vit dans l'indépendance. Pour grandir, je m'étirais en me retirant, et comme ça, je suis devenu un grand. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Ooh, yeah. Héréditaire, ma famille, c'est une bande de solitaires. Depuis plus de 5 générations, nous n'avons eu aucune réunion. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand, grand comme un homme autonome. Je fais tout, tout seul, seul comme un grand. Libre comme l'air, célibataire. Je ne reçois qui que ce soit tant que je gueule. Je reste seul. Thank you. Information Kill the Lights et At the Ruins qui montent de deux places en 10e position anglophone. Avant ça, on a entendu Damien Robitaille et Homme Autonome qui était stable. Mm-hmm. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et là, je me rends compte qu'on est à peu près à la mi-chemin des palmarès. Hein. On est rendu au 10e, au 9e position, donc on a dépassé les 10e. Regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que c'est très intéressant de savoir ça. Les palmarès C'est fou, c'est pas seulement un top 20 francophone, le top 20 anglophone, c'est aussi le top 30 des CD, le top 3 disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. Commençons par le top 30 des CD. On a 4 nouvelles entrées. En 21e place, Alice in Chains avec Black Gives Way to Blue. En 20e, TV Heart Attack avec Lost in the Sway, qu'on a d'ailleurs entendu dans les palmarès anglophones tantôt. Même chose pour Gregory Pepper and His Problems avec With Trumpets Flaring en 19e et Spiral Beach en 18e avec The Only Real Thing. En 3e place, ça descend de 1 Metric avec Fantasies. En 2e, ça monte de 2 Zeus avec Sounds Like Zeus. Et en 1ère, c'est Stable Obijou avec Beacons. Dans le top 3 des disques canadiens, il n'y a aucune nouvelle entrée, hein, mais les choses ont changé de place. En 3e, ça descend de 1 Fantasies et Metric. En 2e, ça monte de 2 à Zeus avec Sounds Like Zeus. Et en 1ère, c'est Stable Obijou avec Beacons. Si on passe au top 10 électronique maintenant, on retrouve 2 nouvelles entrées. En 10e, Assemblage ou Assemblage 23 avec Spark. Et en 7e, Elysian Pierce avec One Year's Later, One Year's Sleep. Oui, ça a plus de sens, EP. En 3e, on monte d'une place Rival Consoles avec I.O. En 2e, ça monte de 1 Grasscut avec High Down. Et en 1ère place, finalement, ça monte d'une place Lucine ou Lucine avec A Certain Distance. Dans le top 10 loud, maintenant 4 nouvelles entrées. En 10e, Muspelheim avec Violent by Design. En 9e, Canopy et Will and Perception. En 8e, Revocation avec Existence is Futile. Et en 7e, War Call avec Demon Archi. En 3e place maintenant, ça descend de 1 place. Behemoth avec Evangelion. En 2e, ça monte de 1 Dying Fetus avec Descent into Depravity. Et en 1ère place, c'est stable Megadeth avec Endgame. C'est beaucoup de prononciation, tout ça. Il se trouve donc bien des noms compliqués. toujours au palmarès, c'est fou, on revient dans nos top 20 des deux côtés, on est rendu au 9e place. En anglo, c'est Oromocto Diamond avec The Last Diamond in the Cave qui monte de la 20e place. Ça fait seulement 2 semaines, c'était nouveau la semaine dernière, donc ça a franchi la moitié du palmarès d'un coup, ça. Mais avant, voici une pièce qui monte de la 13e place, la controverse ultime de Asso. Vous êtes au palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que cette station ici a à vous offrir au 89.1. Restez dans le retour, il y a Oromocto Diamond, Mimi Van Der Glo et Sub dans les palmarès. C'est fou. C'est fou. N'est-ce pas? 89-1-1-1. Numéro 9. Octo Diamond et The Last Diamond in the Cave, 9e position anglophone, ça monte de la 20e, mais c'était nouveau la semaine passée et vraiment ça commence à me rentrer en tête ça. J'aime ça moi, Octo Diamond. Et vous, hein, qu'en pensez-vous? Allez voir assemblagerequis.com, envoyez-nous des commentaires si ça vous intéresse. www.assemblagerequis.com, là-dessus il y a la balado diffusion de l'émission, il y a la planification de l'intérieur de l'émission, le contenu, hein? Tellement de contenu ici. Mais il y a aussi des infos sur les autres émissions que Kiwan et moi faisons et qui, celles-là, ont du contenu. On parle de La Dernière Porte à Gauche, CNX.zip et Assemblage Requis. Tout ça sur assemblagerequis.com. On est rendu aux positions numéro 8. Du côté anglo, on retrouve Sub et Looking Down qui montent de la 11e place. Mais avant ça, voici Mimi Van Der Glo qui monte de la 15e. Avec Karting Chrétien, vous êtes dans les palmarès, c'est fou, 89 FM. Je suis toujours au rond de vin, champion. J'ai rencontré une fille dans le pit stop. Je l'amènerai faire un tour dans mon car, mais y'a rien qu'une place. J'ai rencontré la fille dans le pit stop. J'ai fait l'amour sur le bureau du boss pendant son absence. Ah ouais, il vole des ailes, les crayons, la brocheuse et puis le cendrier en forme de croix. Sub et Looking Down qui monte de la 11e à la 8e place du côté anglophone. Avant ça, on a entendu Mimi Van Der Loo et Karting Chrétien qui monte de la 15e place. Ça fait 3 semaines que c'est dans le palmarès et ça monte quand même assez rapidement. Les 7e positions maintenant du côté anglophone, on a The Mannequin avec Bad Medicine qui monte de 3. Mais avant ça, voici La Question et Compliqué Évident. Je trouve ce fond-là particulièrement sexy, tu sais. Les palmarès, c'est fou. Au 89.fm. Oh oui. Je ne referai plus jamais ça. 7. Mannequin et Bad Medicine en 7e position anglophone, ça monte de 3 places. Avant, on a entendu La Question et Compliqué Vidant, rempli de jeux de mots, tout ça. Ça monte de la 14e, donc plus 7 pour La Question. L'album s'appelle Affranchi. Avant de passer aux 6e places, je vous rappelle le site de Cifou, www.cifou.ca, pour en savoir plus sur le palmarès de Cifou, sur la programmation de Cifou, et plein de choses qui ont rapport avec Cifou, tout ça. Et de la balado-diffusion, des différentes entrevues qu'on a eues depuis, depuis des mois, puis des années même. Il y a des affaires qui datent de vraiment longtemps sur le Cifou.ca, mais c'est toujours très intéressant à écouter. Donc allez-y. En 6e anglophone, on trouve Steve Hill and the Majestics avec Lost Woman qui descend de 2, mais avant ça, voici une formation qui va être en studio, en direct, lundi, à Assemblage Requis. Voici Vanessa Parietaire et le filet et l'abîme. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Love.

sommes arrivés. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. C'est pas pour rien si je le dis. Ébloui par la vie, encore aujourd'hui je m'agrippe à tes tripes, tel le tic à sa cloque et le hip à son hop, toujours au milieu de rien, qui m'empêchait pourtant de pouvoir juste un instant te regarder. Te regarder. Si par mes gardes on dit lapide, nos phrases faciles derrière un fil, si on s'oublie encore une fois, c'est bien futile et trop facile. Si entre deux on s'imagine une terre bénigne et moins hostile, on en frissonne des mois, on en tremble déjà. Et on avait pourtant laissé crever l'abcès, un instant sans soucier, sans soucier de ce qui pouvait doucement nous arriver. Qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on s'en foutait. Lupini, qu'est-ce qu'on s'en foutait en cinquième place francophone, ça monte de 4. Je voulais laisser finir la pièce comme il faut, tu sais. Sympathique comme ça. C'est la fin de la deuxième heure des Palmarès, c'est fou. On revient avec une troisième tantôt et la musique de Bat of Skulls, Metric, Obijou, Zeus, Alice P. Isaac, Laurent Poisson, Ariel, Vincent Vallière et le nombre. Tout ça dans la troisième et dernière heure des Palmarès, c'est fou. Restez avec nous au 89.1 FM. C'est fou dans la tête. C'est fou 89.1, la scène émergente. Bonjour, c'est la troisième et dernière heure des Palmarès. C'est fou pour la semaine du 2 au 8 octobre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et oui, je suis seul ce soir. Kiwan, normalement, qui est avec moi, ben il est pas là aujourd'hui. Il joue au ballon ballet. C'est comme ça. Mais retrouvez-le lundi avec moi à Assemblage Requis entre 15h et 17h du lundi au jeudi. Et ce lundi, on va avoir Vanessa Parietaire en entrevue en studio. Donc, on a très hâte. Beaucoup hâte. C'est ce que ça veut dire. On est rendu à la position numéro 5 anglophone, c'est-à-dire Band of Skulls. On s'en va entendre Fires qui monte de 4 places. Suivront les positions numéro 4, Le Nombre et Alice P. Isaac. Vous êtes dans les Palmarès, c'est fou, au 89.fm. On y va, t'sais, tranquillement, mais t'sais, faut que les choses avancent un peu. On est ensemble jusqu'à 20h. So changent, tous les jours changent ton discours. Épouse la cause populaire. Renie ta position arbitraire. Oui, tu le prétends. Tu sais dans l'ordre naturel. Oui, tu me répètes. C'est ma couleur naturelle. RCP Isaac et Butterfly en quatrième position anglophone, ça monte de la 18e place, ça monte vraiment beaucoup ça. Sérieusement, c'était nouveau la semaine passée et ça fait un gros bond vers le haut. On adore ça. Avant, en quatrième position francophone, on entendait Le Nombre et Couleurs naturelles qui montent de 4 places. On est rendu aux troisième position, top 3. Déjà. Je vous rappelle que les numéros 1, en fait, le numéro 1 francophone, on l'a entendu il y a très longtemps, il est maintenant en 11e position, c'est La Marais de la Patate Rose. Mais le numéro 1 anglo, on l'a pas encore entendu, et étrangement, ben, c'est dans le prochain bloc. C'est rendu numéro 3 anglophone, donc on a deux nouveaux numéros 1. Metric est en 3e anglophone avec Gold Guns Girls. Mais avant ça, voici Ariel et Faux Filet. Vous êtes dans les Pas l'heure assez fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir au 89.1 FM. Approche-t-il le dernier crime? Va rechercher la fille dont le look les moustiques. Elle tient pas l'alcool. C'est tout faux, mais c'est bon, c'est ce qu'il faut. Allons à fond. Chacun son prix, chacun sa coupe. J'aime ton style, faux filet. Call. Magic et Gold Guns Girls, l'ancien numéro 1 anglophone qui est maintenant en 3e place. Avant, c'était Ariel et Faux Filet qui montaient de la 7e. C'est de leur maxi homonyme. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que s'il faut à vous offrir. Il nous reste seulement les numéros 2 et 1. Donc, pas beaucoup de choses avant de savoir qui sont nos grands numéros 1 de cette semaine. Le suspense tient pour encore quelques minutes. Et après ça, on va pouvoir revenir en arrière pour entendre des pièces qu'on a dû sauter au début de l'émission. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à 20h. Parce qu'à 20h, je vous le rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, que les Lutins de l'Enfer sont rendus à 20h. Ils ont reculé d'une heure, alors que Kiwan, qui serait normalement à 20h le vendredi, est maintenant à 17h le mardi. Voilà, donc, dernière porte à gauche, mardi, 17h, Lutins de l'Enfer, tout à l'heure, à 20h. Au numéro 2 anglophone, on trouve Zeus et Marching Through Your Head qui monte d'une place. Mais avant ça, voici un artiste qui monte de 4 places, de la 6e. Voici Vincent Vallière et Sortir du bois dans les palmarès c'est fou au 89.1 FM. Reste un bout à faire avant d'arriver, Me boirais ben une bière, mais faut continuer, ouais, faut continuer. Et quand les teintes sont gris et que tout me désole, je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois, t'auras jamais vu ça. Je crois très fort. Retour la musique de Zeus et nos grands numéro 1, qui seront-ils? Mais avant ça, voici ce qui s'en vient lundi à CNX.zip. Numéro 2. Do you feel it all the time? The way she preys upon your mind. She's a fiend. Up tired of your sadness this will bring. Truth always comes out in spring. Zoo, c'est Marching Through Your Head en deuxième position anglophone, ça monte d'une place. Avant, c'était Vincent Vallière et Sortir du Bois qui montait de 4 places. C'est déjà presque la fin du top 20 francophone et du top 20 anglophone par le fait même. C'est de nos deux top 20, notre top 40 presque, mais pas littéralement, mais bon. Donc, il nous reste seulement les numéros 1, c'est ce que ça veut dire en résumé, si on enlève toutes les niaiseries que j'ai pu faire autour de ça. Bref, ça pour dire qu'on recule en arrière un petit peu, hein, parce que avant d'entendre au numéro 1, je trouve qu'un petit peu de suspense ajouté est non nécessaire, tu sais. Ça serait peut-être pas si pire pour créer genre du faux engouement autour de ça. Ça fait fake, mais bon. On va retourner en arrière à notre position numéro 17 francophone, parce qu'au début de l'émission, et là vous allez me trouver vraiment bizarre, là, mais j'ai sauté par-dessus Malajub et Yann Perrault, parce que c'est les pièces qui étaient là depuis le plus longtemps. Elles tournent beaucoup, elles ont beaucoup tourné depuis les dernières semaines, donc je voulais donner plus de priorité aux nouvelles entrées. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on s'en va les entendre là. Donc, c'est le fun pour tout le monde. Voici Malajub et Christobald. Suivra Yann Perrault et Conduis-moi, c'est pas mal, c'est fou au 89.5.

Éléphantine est la position numéro 12 francophone, une clope, un café. C'était un retour en arrière des pièces qu'on a sautées au début de l'émission. Il y avait aussi Yann Perrault avec Conduis-moi et Malajube avec Cristobal qui sont respectivement en 16e et 17e place. Voilà que les choses sont presque terminées. Là, c'est vrai, on est rendu à nos numéros 1. Donc, on va l'entendre. Oh, avant ça, je dois faire des jeux de mots. La règle dit ça. C'est pas moi qui ai décidé ça. Hein? C'est certainement pas ma faute. Je dirais qu'elle dit à un moment donné, ben, tu fais ce que tu peux, tu sais, même si c'est un petit peu chien de faire des mauvais jeux de mots des fois. Hein? C'est un peu chien galeux. Par le roi poisson, c'est le numéro un francophone. Sinon, je dirais que je marche tranquillement, pas vite sur ces jeux de mots-là parce qu'à un moment donné, t'en fais un très très mauvais. C'est comme quand t'es en auto, tu sais, puis tu pognes la glace noire. Black Ice, de haut bijoux. C'est l'anglophone. Hein? C'est pour ça que je le précise quand je le fais, parce que c'est pas toujours évident, mes jeux de mots. Tout de suite, voici nos numéros 1. Commençons par le roi poisson. C'était le grand numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou, mais avant de dire les numéros 1, faisons un petit retour sur les positions numéro 3 et 2. Du côté anglophone, Metric avec Gold Guns Girls est en 3e, c'est l'ancien numéro 1. En 2e, ça monte d'une place, Zeus et Marching Through Your Head, et on vient d'entendre Obijou avec Black Eyes qui monte d'une place. Du côté franco, la 3e montait de la 7e, Ariel avec Faux Filet. La 6e est montée en 2e, Sortir du bois de Vincent Vallière. Et le numéro 1, on l'a entendu avant Obijou, c'était Le Roi Poisson avec Chien Galeux. Voilà pour le top 3 des deux côtés pour la semaine du 2 au 8 octobre 2009. C'est presque la fin de l'émission, mais comme on finit un petit peu tôt comme ça, on a le temps de se taper un bon classic gold hit. Petite étoile relatif au palmarès de C'est fou. Voici Mobile Session Team, qui était en 27e place de l'année 2005 au grand complet du côté francophone. Cette pièce-là, installée et bien sage dans les palmarès C'est fou. Session Team est installé bien sage dans la portion Classic Gold Hit, petite étoile relative au palmarès de C'est fou. au 89 FM. C'est la fin des palmarès pour cette semaine du 2 au 8 octobre 2009. Soyez de retour avec nous la semaine prochaine à 17h, toujours le vendredi. Je vais être là. Ce soir, les Lutins de l'Enfer à 20h. C'est votre soirée qui se prépare et qui se construit devant vous comme vous la regardez. Si bien là, elle se construit, c'est comme un casse-tête avec des morceaux. C'est fou. Vous comprenez? Hein? Parlant de casse-tête, assemblage requis, c'est lundi entre 15h et 17h. Kiwan et moi qui allons animer ça avec la participation, la prestation et même l'entrevue avec Vales Pariétaire. C'est lundi dans Assemblage requis entre 15h et 17h. On se quitte sur un autre classic gold hit rapidement comme ça. Le temps file. Voici Pete Moss et Groove Baby. À la semaine prochaine. Et bye Kiwan pour... Groove Baby, Groove Baby! Je sais pas t'es où, mais bon...